Dinamo. Placide Niyomungere. Merci d'être à l'écoute de la radio Zanganiro. Bienvenue dans cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Différents partis politiques, dont le parti Côte des Bouts, demandent que des manquements qui ont été constatés en matière d'observation électorale soient évités pour les prochaines élections. Dans ce journal, la rédaction Isanganiro a jugé bon de revenir sur certaines dispositions prévues dans le projet de code électoral actuellement sur la table de la Chambre haute du Parlement. Et la conférence des évêques catholiques du Burundi appelle à la consolidation de la sécurité protectrice de la personne humaine et déplore qu'il y a encore des personnes portées disparues pour des raisons politiques ou arrêtées en violation de la loi. Et les producteurs du maïs en province Cibitoke attendent toujours à bras ouverts la régularisation par l'Agence nationale de gestion des stocks ANAGESA. C'est au moment où à Makamba, la régularisation est en cours après l'instruction du Premier ministre burundais. Voilà pour le sommaire de cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. De la politique pour débuter cette édition, chaque parti politique, coalition des partis politiques ou candidats indépendants a le droit de déléguer au plus deux mandataires par bureau de vote le jour du scrutin. Et la présence des mandataires est obligatoire et sont obligés d'inscrire ou de faire inscrire toutes les observations avec signature dans le procès verbal unique et le projet de code électoral. Actuel prévoit les mêmes dispositions que l'ancien. Il précise que seules les observations enregistrées sont prises en considération en cas de contentieux électoral. Alain Désiré Boukeneza revient sur ces dispositions de ce projet en rapport avec l'observation électorale. Suivant le nouveau projet, tout comme le code électoral en cours de révision, chaque parti politique, coalition des partis politiques ou candidat indépendant ne peut déléguer plus de deux mandataires par bureau de vote. Depuis l'ouverture du scrutin jusqu'à la signature du procès verbal des opérations de vote et des résultats, la présence de ces mandataires est obligatoire et permanente sur tous les bureaux de vote. Cependant, le projet de code nuance que l'absence de l'un ou l'autre mandataire n'invalide pas les résultats du bureau de vote concerné. Comme le précise l'article 42, les mandataires peuvent bénéficier d'une prise en charge dans la mesure des possibilités du gouvernement. Les mandataires doivent inscrire ou faire inscrire toutes leurs observations obligatoirement, suivies de la signature de leurs auteurs. Ils sont consignés au procès verbal unique combinant les opérations de vote et résultats. Les membres du bureau de vote sont tenus, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par le code, de faire consigner toutes les observations qui leur sont adressées et seules les observations enregistrées seront prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introduite d'un contentieux électoral. Un exemplaire de ce procès verbal unique est remis à la CECI, à la CEPI ou à la CENI, à un mandataire par parti politique, coalition des partis politiques ou candidats indépendants représentés au bureau de vote et à la Cour constitutionnelle selon le type du scrutin. La signature ou l'empreinte digitale de chaque mandataire présent est obligatoire, mais le code dispose que l'absence de signature ou d'empreinte digitale de l'un ou l'autre mandataire n'invalide pas les résultats. Les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès verbal des opérations de vote et résultats signés par tous les membres du bureau de vote, les mandataires présents et les scrutateurs. Et puis le modèle du procès verbal est fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Alain Désiré Boukeneza, en réaction, le parti Côte des Bouts souhaitait que les observateurs électoraux soient placés dans des endroits où ils peuvent suivre tout le déroulement des élections dans les bureaux de vote. Kefani Bizi, président de cette formation politique, fait référence aux manquements qui ont été relevés lors des récentes élections de 2020. Pour lui, certains observateurs électoraux issus des partis politiques ont été éloignés des bureaux de vote. Je vous propose de suivre Kefani Bizi dans ses propos recueillis par Alidi Gahimbari. Il a été observé au cours des élections de 2020 que tous les partis politiques et les coalitions de partis politiques qui se sont présentés aux élections n'ont pas pu avoir des mandataires sur tous les bureaux de vote. Et ceux qui ont été sur les bureaux de vote pouvaient être distraits par l'un ou l'autre événement, du fait que probablement ces coalitions et partis politiques n'ont pas eu de moyens suffisants pour soutenir les mandataires qui sont auprès du bureau de vote. On a aussi constaté qu'il arrivait que les mandataires soient passés dans des endroits où ils ne sont pas capables de bien suivre le déroulement de toutes les opérations de vote. On a constaté dans certains endroits également qu'il y a des bureaux de vote qui n'ont pas donné des PV aux mandataires des partis politiques. Et même aussi au moment du comptage, on pouvait soupçonner des possibilités de fraude parce qu'il pouvait arriver que les scrutateurs soient issus dans ce parti politique et que les bulletins ne soient pas nécessairement présentés ou montrés aux mandataires pour constater que la voix qui a été lui concorde effectivement avec la voix qui a été votée. Bon, tout ce que nous pouvons demander, il faut que d'abord les partis politiques, les coalitions de partis politiques s'organisent en conséquence pour avoir les mandataires sur tout le bureau de vote. Il faudra également que le gouvernement insère dans le budget électoral le soutien aux mandataires des partis politiques, mais aussi il faudrait qu'il y ait des PV disponibles pour tous les mandataires afin que chaque parti politique ou coalition de partis politiques ait le rapport de ce qui s'est passé sur un bureau de vote. Il faudra également que lors du comptage des voix, on choisisse les scrutateurs dans divers partis politiques ou quoi de partis politiques qui se sont fait élire sur ce bureau de vote, ou tout au moins que les bulletins, après avoir lu la mention, on montre le bulletin aux observateurs pour constater, ou aux mandataires pour constater effectivement que la voix lui concorde avec la réalité. C'était que Fanny Wizi, il est président du parti politique Kodebou et de la politique à la sécurité et justice. La journaliste Sandra Morosa du journal Aligne La Nova qui travaillait pour la radio locale Numéro FM en province Ngozi et dans la main de la police depuis samedi, selon les informations provenant de son corps de sécurité, sans préciser du lieu de détention. Et sa famille et son journal disent ignorer jusqu'ici le motif de sa arrestation, et précisant qu'elle avait répondu à un appel d'une personnalité qui allait lui donner des informations. Tous plaident pour sa libération. Et la conférence des évêques catholiques du Burundi déplore qu'il y ait encore des personnes portées disparues pour diverses raisons, dont les mobiles politiques, ou arrêtées en violation des procédures judiciaires. Dans une déclaration du 21 mars 2024, élue dans toutes les célébration eucharistique de ce dimanche, ces évêques appellent à la consolidation de la sécurité protectrice de la personne humaine. Suivez plutôt Mgr Bonaventure Nahimana, archevêque de Kitega et en même temps président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi. Constater que dans notre pays, il y a des personnes qui sont assassinées ou kidnappées, portées disparues pour des raisons politiques ou autres intérêts macabres, fait frissonner. Nous en profitons pour exprimer notre compassion et solidarité à l'endroit des familles ayant perdu les leurs ces derniers temps. Quand de même quelqu'un serait appréhendé, arrêté par les instances habilitées, la justice doit se dérouler dans le respect de la loi, de sorte que la personne soit détenue dans un endroit connu et accessible aux membres de sa famille. Veiller sur la sécurité dans la quadruple synergie demeure indispensable pour le pays. Cependant, il revient surtout aux forces de sécurité et de défense d'être beaucoup plus vigilants pour protéger la population et ses biens. Nous ne saurions parler de justice sans lancer un appel pathétique à tous ceux qui nourrissent encore des sentiments de verser le sang des paisibles citoyens comme moyen de faire entendre leur idéologie ou d'ambitionner le pouvoir politique. Nous exhortons instamment quiconque serait encore habité par cet esprit à remettre l'épée dans le fourreau pour s'atteler à édifier la nation en empruntant les voies qui respectent la dignité de la personne humaine et qui privilégient le dialogue et la concertation. Cette même conférence des évêques catholiques du Burundi appelle aussi à la réforme de l'instance de la justice. Selon ces évêques, certains des agents de la justice expriment des préoccupations pour la sécurité à cause du harcèlement de la part de certains cadres, les contraignant à enfreindre le droit au lieu de défendre la vérité et la justice. Ces évêques catholiques du Burundi demandent aussi que des recrutements de fonctionnaires obéissent aux critères du savoir-faire, des compétences professionnelles et pas de critères de militantisme. Encore une fois, Mgr Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi. Les leaders de notre pays, à commencer par le chef de l'État, ne cessent de rappeler sans cesse et de fustiger les conséquences de la culture de l'impunité. Au fur et à mesure que l'impunité s'établit dans la société, le peuple perd la confiance dans les institutions judiciaires et risque ainsi de se décourager, de se faire justice et de commettre des crimes. Il existe des agents de la justice qui expriment des préoccupations pour leur sécurité à cause du harcèlement de la part de certains cadres, les contraignant à enfreindre le droit au lieu de défendre la vérité et la justice. La question de la justice concerne également les modalités d'embauche au niveau de l'État. Des plaintes nous parviennent de diverses personnes que l'accès au poste de travail ne tient pas toujours compte des connaissances, ni des savoir-faire et des compétences professionnelles, mais qu'il est parfois conditionné par le critère de militantisme dans le parti au pouvoir et ou la capacité de verser des pots de vin. Cette pratique véreuse entraîne les compétences et le manque de productivité, la rémunération des fainéants et des pilleurs de l'État, rendant ainsi endémique la pratique de la corruption. Il convient que les leaders ainsi que le personnel de l'appareil judiciaire à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied afin que tout citoyen burundais et tout résident se sente en sécurité, que celui qui est lésé soit rétabli dans ses droits et vive en paix parmi les siens et ses biens. En effet, toute impunité face au mal commis cause angoisse et rancœur dans les cœurs, entraînant ainsi le désordre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous suivez toujours la radio Isanganiro, c'est le journal en langue française qui continue. Les producteurs du maïs en province de Cibitoke n'ont pas encore été régularisés par l'Agence nationale de gestion des stocks ANAGESA, malgré la promesse du Premier ministre qui fixait le délai limite vendredi de la semaine dernière. Certains de ces agriculteurs déplorent qu'au cours de la semaine, ils étaient invités à aller récupérer leur production écoulée, faute de moyens financiers. Ces agriculteurs de Cibitoke demandent au gouvernement de les laisser vendre librement leur production aux commerçants de la localité. Suivez-le au micro-trottoir de la radio Sanganiro. Twajyakire twishimye kuko twatubonye ko tujya duture kuko twashize ibigori byacu ku giciro twemewe n'amategeko ya leta. Rero amaze kusamya harya jambo. Nous avons bien accueilli le message du Premier ministre, mais à partir de mercredi de la semaine dernière, ceux qui sont chargés de collecter les grains de maïs nous ont appelés pour aller récupérer la récolte que nous avions vendue à crédit à la Nagesa. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de fonds pour nous régulariser. Nous avons été surpris, c'est vraiment triste de voir le message du Premier ministre contrarié. Nous avions bien accueilli le message du Premier ministre qui disait que vendredi, on allait commencer à recevoir notre argent, mais jusqu'à l'heure qu'il est, la situation n'a pas été débloquée. Cette promesse n'a pas été tenue et devrait encourager même ceux qui détiennent leur production à la maison d'aller la vendre à la Nagesa. C'est une question vraiment cruciale. Nous lançons vraiment un appel au gouvernement de tout faire pour faire respecter le prix de 1700 francs bouts par kilo qu'il a fixé. Nous n'avons même pas où vendre à 1500 francs. Auparavant, l'on vendait chez les commerçants notre production de maïs et l'on pouvait s'acheter des propriétés et des vaches, mais aujourd'hui c'est de la galère. On demande au gouvernement de nous laisser vendre notre production de maïs dans toute liberté s'il ne parvient pas à acheter sur le prix qu'il lui-même a fixé. une mugambi acha gukoresha harima gace canke harima ibindi bigori. Et au contraire, les agriculteurs de la province de Makamba seraient juste d'être régularisés par la NAGESA à partir du début de cette semaine, après une période importante d'attente de leur argent. Ces agriculteurs demandent au gouvernement burundais de repenser cette campagne dans les prochaines années pour qu'ils soient payés directement après la vente de leurs récoltes à Makamba. Élisée Cuisère. Certains de ces agriculteurs de la province Makamba, en train d'être régularisés pour la vente de la production de maïs dans l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire en AGESA, disent qu'ils avaient déjà passé au moins un mois en attente de leur argent sur certains centres de cette province, comme ceux de la commune Makamba et Kayogoro. Les régularisations ont continué ce mardi dans la zone Vigina de la commune Kayogoro, même jusqu'au-delà de 16 heures de ce mardi, les régularisations étaient encore en cours et certains des agriculteurs doutaient de rentrer sans être servis. Malgré la période qu'ils viennent de passer en attente, certains de ces agriculteurs se réjouissent de cette régularisation. Cependant, ils demandent à l'État de bien établir la campagne de collecte de la production de maïs dans les prochaines années pour qu'ils bénéficient à temps leur argent car ils vendent leur production en fonction de la subvention de leurs besoins. Cela étant, au moment où le premier ministre de l'État burundais, Gervais Ndirakobucha, avait recommandé à cette agence de vider toutes les dettes qu'elle doit aux agriculteurs au plus tard vendredi de la semaine passée. Depuis Makamba, Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. Élisée Cuisera, et de l'agriculture à l'environnement, une soixantaine de ménages vivant encore dans la zone inondée par la montée des eaux du lac Tanganyika dans la ville de Rumonge ont fait un sit-in devant le bureau de la commune Rumonge. C'était ce mardi matin. Ils demandent d'être transférés vers un autre site plus sécurisé, comme cela a été le cas pour les autres victimes des dernières années. Et la commune Rumonge a dit être prête à les installer dans un terrain domanial non litigieux sur la colline Mohozo. Mais ces victimes trouvent ce terrain inhospitalier. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les mauvaises actions économiques, Olicom, demande au gouvernement de déclarer l'état d'urgence suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Un appel du président du dit observatoire après une descente effectuée mardi dans les localités déjà inondées à mairie de Bujumbura et dans la commune Mutimbuzi. Gabriel Rufiri demande en outre au gouvernement de délocaliser dans l'urgence la population déjà affectée pour la prévention d'autres risques. Suivez plutôt Gabriel Rufiri au micro de Jean de Dieu Irakotse. Parmi les mesures à prendre, il faut d'abord que le gouvernement se réunisse d'urgence en conseil des ministres pour déclarer cette situation comme une situation d'urgence. Et avec cette déclaration, il y a des mesures qui vont accompagner cette déclaration. Par exemple, rassembler les partenaires du Burundi envie de venir en aide ces citoyens qui sont dans une situation de désolation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que le gouvernement prenne une mesure de délocaliser les citoyens qui se trouvent dans les zones à risque. Vous les avez constaté vous-même, que ce soit les écoliers, les dispensaires, les églises et les citoyens, ils font des mesures de délocalisation en fait de les protéger. Nous pensons que le gouvernement doit donner le temps. Comme je le disais, il faut qu'il y ait un conseil des ministres spécial d'urgence pour qu'ils prennent des mesures conséquentes. On a déjà donné des documents au gouvernement, que ce soit au président de la République, au premier ministre, au président de l'Assemblée, au président du Sénat, et toutes les institutions concernées on les a déjà alertés. Et nous sommes sûrs qu'ils ont déjà eu ces documents qui parlent des politiques qui sont menées. Maintenant, nous voyons qu'il y a un problème des politiques de prévention des risques, comme d'autres politiques qu'on a signalées dans ce document qu'on a donné. Donc, il faut vraiment écouter les experts. C'était Gabriel Ofiri, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, au Burundi. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine et à Kizimana qui assuraient la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Nyomungere et une bonne suite de programmes sur Isanganiro.